Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Gerriou Arvué. On en est à l'émission 396. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, on va voir une famille de mots qui ont une racine commune qui est pleustre. Pleustre, oui. Alors, j'ai encore pas choisi la facilité parce que c'est un petit peu compliqué. Donc c'est un pleustre, c'est un terme d'origine latine. C'est plostrum en latin, et qui veut dire la pratique, c'est-à-dire la façon de faire quelque chose. On a une idée, il y a une idée là-dedans de s'accoutumer, d'apprendre quelque chose en la répétant. C'est pour ça que, bon, ce qu'on entend souvent, c'est plustradek, par exemple. Plustradek, c'est par exemple pour une troupe de théâtre qui fait une répétition. Alors plustradek, ou plustraden, on dit aussi. Voilà. Donc là, c'est bien l'idée de faire quelque chose, de s'accoutumer à faire quelque chose, de s'habituer et de réussir à le faire par la répétition. Donc c'est une façon d'apprendre, d'ailleurs, tout à fait classique. Et pour les musiciens, on va dire que ça aussi, plustradek, donc la répétition. Et alors, justement, dans le vocabulaire du breton d'aujourd'hui, on entend souvent ça. Plustri, plustri, rede plustri et vimon warok, il faut. Donc, plustri qui est le verbe qui vient de plustre et qui veut dire pratiquer, mais pratiquer pour pouvoir avancer, quoi. C'est-à-dire, faire des répétitions et 100 fois sur le métier, remettre l'ouvrage pour arriver à faire quelque chose de bien. Alors, donc il y a vraiment cette idée de progresser par la pratique. Alors, plustre, donc le mot lui-même veut dire la pratique. Plustreur, alors plustreur, c'est celui qui pratique quelque chose. C'est ce qu'on appelle le praticien. Le praticien en français, mais le mot praticien a tendance à se spécialiser dans la médecine aujourd'hui, alors que le praticien c'est quelqu'un qui fait n'importe quelle pratique, le plombier, le couvreur. Alors ça a pris un sens un peu restreint maintenant. D'ailleurs le mot pratique lui-même dans le vocabulaire courant autrefois désignait les clients. La pratique, c'était les clients, ceux qui pratiquaient, qui fréquentaient en fait le magasin. Il y avait une chanson un peu leste là où on disait « Il a mis sur sa boutique pour attirer la pratique à l'auberge de l'écu. On apprend à jouer de l'épinette. » Bon, j'arrête là, mais c'est la pratique, attirer la pratique, c'est attirer les clients. Et d'ailleurs, en breton, on dit « pratikou ». « Pratikou », c'est les clients. Alors le praticien, donc c'est plustreur. Et alors il y a également le prétendant. Le prétendant, c'est-à-dire celui qui cherche à conquérir une jeune fille, par exemple, c'est-à-dire qui cherche à s'accoutumer, à s'habituer. Donc plustreur, c'était autrefois le prétendant. Voilà, celui qui cherche à faire la cour. Alors pour revenir au praticien, parce que des fois elle n'a pas le terme exact en français, en gallo on dirait un faisou. Un faisou. Le faisou, c'est celui qui fait quelque chose, qui pratique. On trouve plus souvent d'ailleurs des contous que des faisous, disent les gens du pays gallo. On trouve beaucoup plus de faisous, de contous que de faisous, quoi. Voilà. Alors, donc je l'ai déjà dit, plustradek, c'est la répétition, alors plustraden, pour une troupe de théâtre, pour un groupe de musiciens. Par exemple, on va dire, bebsizun, vegreder plustradek. Chaque semaine, on fait une répétition. C'est un peu comme nous, mais c'est pas une répétition ici. Chaque semaine, on se retrouve, mais l'œuvre est faite en même temps. Ou alors Beblune, Vegreder, Plustradek. Chaque lundi, on fait une répétition. Alors le verbe plustrine, alors il veut dire s'exercer, répéter, apprendre par la répétition. Alors il a d'autres sens aussi, par exemple, mais qui sont liés à tout ça. Dresser un animal, plustremeuse jose, c'est-à-dire je l'ai habitué à travailler. Donc c'est la même chose, hein, sauf que le cheval est l'apprenti. Hein. Voilà. Alors, on peut l'utiliser en réfléchi aussi. Hein. Un homme blustrin, c'est-à-dire s'habituer. Hein. Et donc, un homme blustrin, c'est s'habituer, et c'est aussi s'arranger avec quelqu'un. Si on met un homme blustrin gone. Alors, ce un homme, là, qui est la marque des verbes réfléchis, nous, on lit non. Mm. Non blustrin gone, c'est-à-dire s'arranger avec quelqu'un, parvenir à un accord. Voilà. C'est une autre façon de s'habituer. Alors, s'habituer, ça peut se dire aussi plustrin, hein. Plustrin ne rentre, bah, mesiner, oui. Hein, je m'habitue dans ma maison neuve. Voilà. Alors, c'est également, parfois, dans certains cas, on peut l'utiliser pour dire, on s'interroge sur quelque chose. Plustrin rand, war en douar on yus. Je m'interroge, je médite, hein, sur la géographie, par exemple. Pourquoi pas, hein. Il y a aussi prédérian, hein. Et alors, il y a dans cette idée de plustri aussi une idée de faire de la gymnastique aussi. Hein, c'est pour ça que le terme plusva, il n'est pas facile avec le TRV, hein, qui veut dire un gymnase. Voilà. Mais le sens le plus courant dans le breton qu'on entend aujourd'hui, c'est la répétition, plustri. Hein. Eh ben, gagne me mon temps plustradek. Merci Henri, on passe à la deuxième partie d'émission, Brezhoneg temps matin. Deuxième partie d'émission. Alors, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, pour Brezhoneg temps matin, Iwan et Chanik n'étaient pas à Zantolek. Non. Mais non. À Saint-Ernin. Oui, alors, c'est pas le même Iwan que la dernière fois. Ah. Celui-ci, c'est Iwan Urbris, donc, qui est un vieux célibataire qui habite à côté de la chapelle Saint-Ernin, donc à Kerizel. Et donc, qui ouvre la chapelle pour les journées du patrimoine. Donc, chaque année au mois de septembre. Alors là, on est allé les enregistrer. Et on les écoute. Des matdor Iwan. Salut Chanik. Larit dinta Iwan, pur oui. Mi et Iwan de Brise, au chom bakerizel armand. Pelzo au chom armand bakerizel. Feya va, boiwadar bugel au chom armand, taler chapel. Oui Iwan zo laboureur douar. Non que tin, gremeuse vicharze pat pel, mais vraiment on doit me lever. Oui arav wardroar le ar chapel. Ah, ya, neta de rand un dro de chapel, a gebarz vejou, a pevedigo redvel hudu, gontant d'un dut, histoire chapel. Donc maintenant, on va expliquer, on va reprendre tout ça, Henri. On va reprendre un peu tout ça, oui. Phrase par phrase. Phrase par phrase. Demad dor iwan. Oui, alors elle dit Demad, hein, ce qui n'est pas souvent le cas ici, mais elle a été aux écoles, tu sais bien. Voilà. Donc elle dit Demad, hein, bonjour à vous, Iwan. Voilà. Et Iwan répond juste lui, salut Chanik. Chanik, voilà. Larit dinta Iwan, pure, oui. Oui, dites-moi, Iwan. Qui êtes-vous? Pure, oui. Ça se fait souvent, comme quand on interviewe quelqu'un, on commence par lui demander de se présenter un petit peu. Mais Iwan Arbriz, au Chombakerizel, en man. Oui, je suis Iwan Arbriz, hein, au Chombakerizel, en man, qui habite, donc, qui est en train d'habiter, c'est une forme progressive, hein, à Kerizel, en man, ici. Pelzor au chom en man, Bakerizel? Demande Chanik. Oui, Pelzo or chom en man. Hein. Vous êtes, depuis longtemps, vous êtes en train d'habiter ici, hein, si on traduisait littéralement, à Kerizel. Hein, c'est un des villages de Zantolog. Feyavat, Bouiwan or Bugel, on au chom en man, Talar Chapelle. Oui, Feyavat, oui, sûr. Depuis que j'étais un enfant, j'habite ici. Bouiwan or Bugel, on au chom en man, Talar Chapelle. Près de la chapelle, à l'ombre du clocher. Oh, c'est joli ça. Oui, Iwan, zo laboureur, douar, demande Chanik. Oui, vous, Iwan, vous êtes agriculteur, cultivateur, paysan. Hein. Non, cultine. Graine me zarvi jersey, pas de pelle, mais vraiment, on doit me lever. Vous lever, oui. Alors, non, cultine, je ne le suis plus. Graine me zarvi jersey, pas de pelle. J'ai fait ce métier-là, pas de pelle, pendant longtemps. Mais vraiment, on doit me lever. Mais maintenant, je suis sur mes rentes. Alors, c'est, oui, alors ça veut dire qu'on est en retraite. Hein. Mise au war me lever, hein, c'est un vieux mot, hein, lever. Hein. Donc, les rentes. Hein. Donc, je vis de mes rentes. Donc, je suis en retraite. Oui, ara war droit chapelle, demande Chanik. Oui, alors vous vous occupez de la chapelle. Alors, en breton, on dit souvent ça, ober war droit. Hein. Ober war droit, c'est s'occuper de. Ober war droit, l'onde, de s'occuper des bêtes. Vugal et tout ça, war droit. Hein. Faire autour. Hein. Celui-là fait autour de ses bêtes. Là. Voilà. Il est allé faire ses bêtes, ça se dit encore d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est un bretonisme. Hein. Et très, très employé, hein, war droit. Oui, ara war droit. Chapelle. Vous vous occupez de la chapelle. Et Iwan répond, ah ya, neta da randro ar chapelle, a gebarz ave chou, oui. A pavé digoret evel hudu, a gontan dan dud, histoire ar chapelle. Voilà. Alors, donc il répond, ah oui, je nettoie, neta da randro un dro d'ar chapelle, hein. Lui il coupe d'ailleurs, il dit dro d'ar chapelle, hein, parce que c'est dans la langue populaire, on dit plutôt comme ça. Neta da randro d'ar chapelle, je m'occupe, donc je nettoie autour de la chapelle. Et barz vejo, et parfois à l'intérieur, parce que normalement c'est pas lui, hein, normalement il y a des dames qui s'occupent de l'intérieur. Ouais. Alors là il y a une petite pointe d'ironie, quoi. Il dit des fois aussi à l'intérieur. Voilà. Oui, oui, oui. Ah bah oui, il faut connaître le contexte. Hein. À PV Digor, des Velhudu, et quand c'est ouvert, comme aujourd'hui, donc pour les journées du patrimoine et pour d'autres occasions, Gontan Dundud, Historer Chapel. Je raconte aux gens l'histoire de la chapelle. Ouais. Et bah c'est ce qu'on entendra la prochaine fois. Eh ben voilà. Très bien, à la prochaine, merci Henri. Troisième partie d'émission, Petra Zoneve Arvoeri. Calze draou e vel juz o neve bouervej diouzan. Krogom de tientan vel kiz a custum, gant de la bourdour hag ur vu e war an mez. E uri e bremañ fin nan a mont de ram war zu un diskar amzor. Yo la amzor dom zo bet par de nan a bremañ e vel just e yinor un amzor a deux de ur glo. L'arad ve pevet ramne de war vulat de spep tout a gouat. A guir e blanc me roas. Mais guir e oa ezom o bandour ka tra oa izir de zela rendud bo pat. Bon, de hantar gwen golo, oa digor ad ur chasse e bavro, hag ar zo beklev et kalze chassourien, hag chas o red gwa l'air lon eut gwe. Klevez peus tenno fuzul matrezen, ya. Ya, ya, hag mi am meus klev dive, ha. Bon, c'est tu, hâte d'igor de chasser. Bafine, non, pv comme de ce labourdouar, ou alère labourio ou bras, ve amzer gwelio vid labourdouar, hag vid un dudiwar armez, da square bazan konan, oa un DL homis. Hag ve gel moalar doa becrou de homis bazan Nicolas, vid canton zan Nicolas, ba mil no han roer do hugen, ou alère brazel benefine, mais de virion et wabekro crou de homis pel rock puis dur wabekro de cave meus boue wabekro de babla mille iskan seis à très grande quand c'est quand la rock mais de pas de braise et loir que bid de comisbet à c'est tu wabé hat crou de homis quand skip à yogus de juan bah waler brazel mais de be wakro de pel rock c'est bon hendel zo bit trowel bavro ba mur Zobid de foire biozone avec quel calzedro hag bouet bio a tro vid dioron padus hag zobid spen pet deng mil dut hein besoin de zizo bern hein ba ba mur hendel wa ba ba loudiang mon bid de orguel ter attitude ive hag ba roison ndl wa espace Hag blanc meus o bet komz kalz bas pas deus ur pak neve, peogwir ebe c'hat framm eus ur pak ar politikerez bro ur pa war la bour douar. Hag bon, gwell vez kler an tamm ba pe sa mod vo kont, hag blanc meus o bet komz kalz de se. Bon, war da chen an ekonomi ez vremañ un emglev zo bet zin tre ur stal bolore a Renault, evit d'ober war dro un autoglas, galak vel an zim lukar, galak mon dewe. Ya, di se ve kont, bon la kamzi autoglas vid an brezon, hag zezo an dravat, pe dur ur po d'autan, po d'autan vid vi kaz an auto an dro, pe dur an auto dredan, po d'autan gant lithium ve gret ba l'air gevraz, an tos de gemper. Hag bon, un autoglas ne vaut que gré de braise, mais ba laboura de grondo, ba diep. Mais ur pot de houtan ne vaut, vaut gré de ba ergevrance. Bon, wardach un économie, soit ve comme ze calz ar marément, de zun taille glas, pe un écotax, vide hamiono. Bon, Armand, n'est que quoi clair, je peux toujours voir Radkas sans se voir à miser et de vous de crouer d'un taise à bénéfice, ma treize ne vaut grède, bah, mis, bah, détient ton blanc, puis au l'air, ou encore, puis ça m'a vaut compte. Mais de heureuse, on grandit, bon, peu de braise, en me qu'à bonne d'une, n'est que contenteur et de ce camion de beau prêtre. Bon, dans mon temps, moi, d'action, politiquer, NDL ou Abedim Bond, elle voir, ur gazette, un ouest éclair, vela remesat cause. Zobedim Bond, de carte, Antonio. Antonio, velvun grec, ba blad, pemzek, d'auvil pemzek. Hag, n'est que zur roise, hein, au rack 13, mais de, bon, déjà, avec comme ze cas de zé, as heureuse, grand zé. Puis dur, vide département, Odu, Narvor, fait, seis canton noir nugent. Hag pudur vo pod agor plar dilenet ba pep canton, Hein, zira per hanterkan, zira dog muor vid pezoarok, mais non que de ne que mames mot, puis dire presque vos univers en bas, quand on yo hier yo, un neptor war armes, d'asquir vid quand on rostren a revolé dans de quand on rostren, puis dire vos lac bars quand on belcarès, quand on guar, quand on San Nicolas. À plusieurs zo bah père quand on se zo père boat zéraï tri à golo garde c'est une bonne chance radicale je trouve à quand on cala que voilà que de même boat voilà que de bars quand on boulevrie à quand on bénard bonne c'est une case changement bon, quel vaut pis sa mot, donc on a ma vaudère à doir à rac 13, mais de, échanges aux cales et drogues. Quand on cale, à gavel, velmezlar, en avola, qu'est quand on boulevriag, à quand on bénard. Bon, nat froma d'urzeux, au gré des vides, ingal y entra, ou plutôt, la quatre canton, yo, wardro, hugen mille dut. Pis nick de, bah, vraiment, hein, vraiment, bah, war Hermès, en meso, tripé ber, mille bapé. Quand on a un drôle de sombrie, garzo, hugen, mille baranton, c'est une voie inégale d'un trou, mais échange au calze trou, plus dur, ranton, yauzo, ou à bégrette d'or en l'asso, à gun dudes au custume de grave de ranton, vélan me bat pur une, bah, quand on s'en Nicolas, ça, gun dudes grave ou drôle, m'avait, bah, quand on rostraine. Mais bon, change en trou. Bon, dans mon temps, moi, d'achen, zévénadur. Par la monde breu Europa, de ce Neveso, vote de Orgoulen, et vite vef et bédouge, une mur de ze Yezou Randvrol, pis la randmi de ze Yezou Guasket. On drava de vous, war hier dermen, mais de bon, en me on babro vrans, goudoirar, goudoirar ram, vostère d'un trause, plus dur homme, mor galout gant de Jacobine, d'un. Jacobine rue, Jacobine glace, pis Jacobine de pêcheur, mais pis Jacobine Gwen, mais Jacobine tout. Ah, c'est une bonne stère de veau et vide riez ou guasque de Mondoirog. Mais me sera tombe à tombe, Véguel, là, bonne vel lycée d'Iwan, carrez ou mieux redoute, bonne en tombe pépler, plouva, gorz au digo redo. Orlas diouyezek ba voulvriak zo skol diouan bon tom atan me ha entro warog mais gant kalz beir elvel juste bon on tom war ma meus tachen eskop gwen de ne zin de ske gwal belzo karta yad ar brezon hag bon zezon dravat ka gwal bon war on dramnek et vid ar brezon ne babu e nilis puis dur bon Alice pe hand dans lid benek de pe obidou pe tramand honneur de benek de vendipite bras gwel le vec ka etam raison de bétine vejo mam se vec tam raison de bit ag bon bavro en me grandze me mestra eusus pe hudur ag bon au nom sur zobé de vigelar et de ba ou raison de gag fait velbreu à roi brésil. Mais Gio a stram de dénorme sur ce nilis officier, et le bon pote zoé de voir hind Jacobine de heuille Jacobine. Bon, même ce mazo au neubet de Belay, même ce sera d'air labour à des vides, vous en temps présent, même ce sera ben nilijo. Bon, bavrose au calze de drogue de l'art, hein, de la rinque et tout. Un DL bat très mal, de ou à Igor, de voir un ton de bras, hat froma dur, bourg, bourg zo bétien pene, de velvegré de calze blasse, mais bat très mal, de zo un drogue, ispici, à longtemps, puis dur, le rabour, tout de la bourre, zo bégré, quand tu de yulva, de ze barous. Ag, bon, ag, braoui, bon, très mal, garde vraiment, ag, ni l'isobé, had neve, zedive, bon, c'est tu, un drava, des vides, très mal, garde. De hugen lasso, wabit, in bande, gand liam, tient en lever, barzoneg ou Angela Duval, wa haunet gand en douar, ag, zo, au drap précieux, et ville, tout de vretonnet, hein, ag, et vide glade en vretonnet. NDL, bah, castel tron joli, tos de gourine, ou abet, concours zonérien, zonérien, bignou à bombarde, hein, hag, bon, arzo bécalze dud, hein, hag, zézo, zézo de draguer, hein, plus dur, seis la rentor canso, vegré de honcours, hein, hag, blanc me oa, vide de véchiente, ou honcours danse de heu, bon, Zéland, Peso, Bavro, Melion, Gezo, Ormar, Aimant, Nevedigor, Discoezad, Troukizelet, Gret, Grand, Orgédrudig, Skizelan, Hag, Bon, Betag, Noneg, de Zevizu, Bardosé, Hag, Digo, Digo, Redé, de Doud, du Devel, Just, Hag, Olabour, Ispici, Alvo, Gret, Grand, Vidor, Skoliou, Grand, Orplario, Zo, Hang, Sylvie, Perdrio, Ag la bourre au grandeur scolage, scolio ag la scolage. Bon, roas bavro, gualarit zo calze drog, had, had lance des brémans, ur presbital cause, balandelo, ag pudio wa bezer triblasso, a brémans vo had krog, gand un trog, même sran wa bidder had hentelio brezon, mais de bron, vraiment vos moyens de zigori, noix de l'Andelot, vicals du de touristes d'Atudel, Astroladou, Orberstage ou Arglade, Bepsortro. Hendel, hors films au Begret, Gand Vulugui, Ouzar, Diwarben, Guerz, Louis Ravalek, Aglar, Bourze, Vauguel, de Rénivo Rouen, Noir, war un TV TBO un tri de Zwizheri. À mesan, il y a comme sera arrivé de ce labour grec war guerz Louis Ravalek quand quand Donatien Laurent. Bon, ben grec me montant trop de spézonné et bavro, parce que l'art tout mais belle arvégel au l'art. Trigariri, kenavo. Kenavo.